En chinois, l'expression « bien sûr » se dit « 当然 当然 当 bus vers coucher, 然 doit le lever, 当然 pour dire « bien sûr ». Dites-vous qu'il y a plein d'engins de chantier sur ce terrain vague. Et bien sûr, les parents ne veulent pas que leurs enfants jouent autour de ce tas. Dang ran. Bien sûr qu'il sait parler chinois, puisqu'il est chinois. Et ici, vous n'avez pas besoin de traduire le « que » de « qu'il ». Alors dites-moi d'abord « bien sûr ». Dang ran. Il sait, il est capable de... Ta hui. Parler. Shuo. Langue chinoise. Zhong wen. Puisqu'il ou parce qu'il se disent de la même manière en chinois. Donc, puisqu'il. Yin wei. Il est. Ta shi. Chine personne. Zhong gua ren. Comment dites-vous savoir être capable de? Hui. Oui, hui. Et comment dites-vous chinois ou chine personne? Zhongguo ren. Non, il faut dire Zhongguo ren. Bien sûr qu'il sait parler chinois, puisqu'il est chinois. Dang ran, ta hui shuo zhong wen. Yin wei, ta shi zhongguo ren. Il sait un peu parler le chinois. Alors rappelez-vous qu'il est inutile de traduire le. Alors, il sait, il est capable de. Ta hui. Parler un peu. Shuo yi dian. Langue chinoise. Zhong wei, wen, zhong wen. Il sait un peu parler le chinois. Ta hui shuo yi dian zhong wen. Pourquoi ne sait-il pas parler français? Tu dis qu'il est français. Pourquoi ne sait-il pas parler français alors que tu dis qu'il est français? En français, il nous faut ajouter « alors que » pour relier les deux parties de la phrase. Mais en chinois, c'est inutile. On fait simplement deux phrases que l'on met l'une à côté de l'autre. De même, il n'est pas nécessaire de traduire le « que » de « qu'il ». Il suffit de dire littéralement « tu dis « il est français ». Alors d'abord, dites-moi pourquoi. Oui, chemin. Il ne sait pas, il n'est pas capable de... Ta hui. Il ne pas savoir. Pardon, pa pu hui. Et le trampoline? Je pensais qu'on utilisait le trampoline uniquement avec pu et shi. Alors le trampoline s'utilise en fait avec pu quand il est suivi d'une autre syllabe unique et prononcé avec le doigt noir pointé vers le sol. Donc cela s'applique bien à Hui. Alors, pourquoi il ne sait pas? Oui, chemin. Il ne sait pas. Ta bu hui. Parler la langue française. Shuo fa wen. Tu dis. Ni shi. Ah non, je me trompe. C'est ni shuo. Il est France personne. Ta shi fa guo ren. Comment dites-vous dire ou parler? Ah, je crois que je me suis trompée. Shuo. Oui, c'est shuo. Pourquoi ne sait-il pas parler français alors que tu dis qu'il est français? Wei shen me ta bu hui shuo fa wen. Ni shuo ta shi fa guo ren. Il ne sait pas parler français, mais il sait un peu parler chinois. Alors dites d'abord, il ne sait pas, ne pas savoir, hein, ne pas être capable de. Ta bu hui. Parler. Shuo. Langue française. Fa wen. Mais il. Ke shi. Il sait, il est capable de. Ta hui. Parler un peu. Shuo yi dian. Langue chinoise. Zhong wen. Il ne sait pas parler français, mais il sait un peu parler chinois. Ta bu hui shuo fa wen. Ke shi ta hui shuo yi dian zhong wen. Bien sûr, je voudrais parler chinois. Ou bien sûr que je voudrais parler chinois. Ici, on n'a pas besoin de traduire le que en chinois, il suffit d'accoler les deux morceaux de la phrase. Donc, bien sûr se dit. Dang ran. Je voudrais, j'ai envie de. Wo xiang. Parler. Shuo. Langue chinoise. Zhong. Wen. Bien sûr que je voudrais parler chinois. Dang ran, wo xiang shuo zhong wen. Pourquoi ne sait-il pas parler chinois? Alors vous direz littéralement, pourquoi il ne pas savoir parler chinois? Donc dites-moi d'abord pourquoi. Wei shen. Il ne pas savoir, il ne pas être capable de. Ta bu hui. Parler. Shuo. Langue chinoise. Zhong wen. Comment dites-vous pourquoi? Wei shen me. Shen me. Wei shen me. Wei. Shenme. Pourquoi ne sait-il pas parler chinois? Wei shenme ta bu hui shuo zhong wen.